essaye. Non, je pense qu'on va faire des petits échanges, des petits switch dans le programme, parce que vous l'avez remarqué, on voit à peu près les mêmes têtes depuis un petit moment. C'est normal, c'est que la partie du crew s'est couchée pendant 2 heures, 2 heures qui se sont transformées en 4. Et qui risquent de se transformer en 5, 6, 7, 8. Ouais. Si quelqu'un va pas sonner là-bas. Ouais. Parce qu'ils ont s'enfermé avec les clés. Ah merde. Donc, Mais on va continuer et je propose de passer à leur traumatisme. Bah écoute, ouais, pourquoi pas. Parlons de ceux qui veulent rester, ceux qui veulent partir. Non, mais ça me va très bien. Là, moi je suis là. De parler leur traumatisme. Est-ce que tu veux quand même que j'essaye de repasser un coup de fil ? Ouais. Histoire de. Donc, coup de fil en direct, c'est bien ça. Non, vas-y, sors. Traumatisme. Ouais, alors je vais vous expliquer ce que j'entends par leur traumatisme. En fait, j'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps, genre de discussion qu'on peut souvent avoir autour d'une conversation. C'est quel film, quelle scène de film t'a traumatisé. Et c'est pas forcément film, mais ça me dit, tiens, c'est vrai que c'est intéressant de parler des trucs qui nous ont fait peur, parce que des fois, c'est pas forcément tout de suite la scène d'horreur ou le moment où on était dans le noir dans notre chambre et qu'il s'est passé ceci, cela. C'est vraiment, il y a des trucs qui, on sait pas forcément pourquoi, restent gravés vraiment en nous, et à chaque fois qu'on s'approche d'un truc qui y ressemble, On se remémore tout ce qui est coincé au fond de nous. Bah, je vois ce que tu veux dire. Enfin, moi, je crois que mon premier gros cauchemar, et ça m'a duré bien longtemps, sur un film, c'était Mars Attack. Voilà, je le dis. La même chose. Mais parce que la tête de femme sur un chien. Cette la scène du débarquement des Martiens avec le général qui se fait complètement vaporiser cadavériquement, c'est un petit peu glauque et c'est un peu cauchemardesque pour un enfant. Mais Tim Burton, c'est très cauchemardesque hein, pour des enfants. Ouais. Je sais pas, l'étrange de Noël de Mr. Jack. Je sais pas, y a rien de traumatisant. Parce que le Père Noël, il refait Noël à la fin. Oui, non, mais c'est pas une question de Noël, c'est une question de tu mets des serpents, des trucs dégueulasses, des têtes de mort dans tous les sens. Ouais, mais c'est l'esprit Halloween. Oui, mais c'est Noël. Bah ouais, mais c'est expliquer aux enfants qu'il veut faire Noël et qu'il échange et que justement ça marche pas parce que ça se mélange pas les fêtes. Le traumatisme de Mars Attack, ça je comprends, mais alors l'étrange Noël de Non, mais ça, je pense qu'il y a des traumatismes qui sont juste pas compréhensibles, qui dépendent de conditions. Oui, oui, attends, mais pour un enfant, regarder ça et se dire ça marche plus. Noël et c'est des serpents et tout. Je comprends que t'es eu peur, Mathias. Moi, ça me fait penser. Non, mais arrête de dire que j'ai eu peur de. J'ai jamais dit ça, j'ai dit juste. Que l'univers Tim Burton, c'est assez cauchemardesque. Voilà, c'est oui. Tout. Mais quand tu dis, Kawan, je suis totalement avec toi, quand tu dis que ça dépend de la manière, de la façon, et aussi du contexte et dans la période dans laquelle tu vis, si tu es jeune ou pas. Moi, j'avais un pote qui était allergique à Amélie Poulain. Parce que je ne sais pas si vous vous ramenez au début, il y a quelqu'un qui se suicide devant Amélie Poulain. Et ça avait traumatisé un des potes, pas parce que la scène était choquante, mais parce qu'à ce moment-là, il avait perdu sa tante. Et il nous disait que ça lui traumatisait, que Amélie Poulain, c'était vraiment le film qu'il ne voulait pas voir, alors que ce n'était pas du tout un film choquant de base. Et je pense que c'est ouf comme une situation comme ça peut te traumatiser, un écran peut te traumatiser. Moi, je pense tout de suite totalement différent et que je ramène du coup à cet exemple, c'est quand j'ai regardé Irréversible, j'étais traumatisé par cette scène et comme tout le monde, et je pense que c'est pas normal si la personne qui regarde ça n'est pas traumatisée, c'est pas normal. Voilà. Moi ça m'a juste mis mal à l'aise, mais ça m'a pas traumatisé. Enfin traumatisé, vraiment genre tu peux plus regarder ce film et De moi, ça m'a vraiment. J'étais vraiment mal à l'aise et j'étais. Enfin, ça, c'est juste dégueu. Enfin, t'as juste envie de couper ton écran. Mais je dirais pas traumatisé. Bah, le fait que la mise en scène est tellement bien faite et mise en œuvre pour que tu la sentes pesante, ce long couloir rouge, excusez-moi, c'est juste abominable comme scène. Et le fait que on te montre tout dans. Quand t'as eu un film super pesant et qu'on te montre cette scène aux deux tiers du film, ça te casse. Mais genre, moralement, j'en peux plus. Ah bah oui, je suis d'accord. Moi, je l'ai regardé en deux fois parce que juste là, ça m'a juste gavé cette scène. Ouais. Ça te gave. Et qu'est-ce que tu aurais fait ? Enfin, j'en pouvais plus, quoi. J'en avais juste marre de voir ça. Moi, je parle d'un traumatisme. C'est vrai que j'ai un peu dérivé. C'est plus que c'est un film qui m'a profondément choqué. Alors que je pensais que j'étais inchoquable. Hein. Vraiment. Et quand j'ai vu ce film, j'en avais fait un DM pour un prof. J'avais dit que si on n'est pas tombé sous le choc, c'est que c'est pas normal. C'est tellement bien fait. J'ai pas dit que j'aimais, mais c'est tellement bien fait que ça marche. Et c'est bon. Après, je retourne sur le cinéma, mais c'est pour moi un moment pesant et c'est obligé d'être un traumatisme pour la personne qui la regarde. Si tu la regardes en entier, obligé. Voilà, j'ai cassé une deuxième fois en De la nuit anonyme. Sinon, t'as aussi. Moi, ça me l'avait fait quand tu vas voir au cinéma, quand t'es petit, et que t'as du son fort et un grand écran. C'était certains Disney. Bambi. Non, Bambi, je l'avais en VHS. Bambi, il a traumatisé plein de personnes. Hein. Ouais. Non, ça encore, ça va. Ah ouais, c'était lequel, toi ? Moi, c'était. Quel Disney t'a traumatisé ? Ah ouais, moi j'en ai un. Mais. J'ai un dessin animé qui m'a traumatisé aussi. Ouais, c'est. Franchement, quand t'es au cinéma, que t'es petit, que t'as pas l'habitude, tu peux avoir une grosse scène, genre avec un jumpscare, tu vois. Parce que Disney, ils aiment bien faire des jumpscares de temps en temps, ils sont vraiment cons. Salut Disney. Salut Disney, on t'aime. Et du coup, ils te font un méchant hyper glauque et tout. Et avec les enceintes mises à balle, parce que dans les ciné, pareil, ils mettent tout à balle. Et du coup, tu sursautes, mais laisse tomber. Quoi. Et quand t'es petit, bah. Ouais. J'avoue que j'avais ce truc-là quand je suis allé voir Les Indestructibles. Les Indestructibles ? Ouais. Parce que c'était l'une des. J'allais rarement au cinéma avant. C'était vraiment à la période. Ah, ça y est, j'ai retrouvé, c'est Mulan. Voilà. Mulan, c'est à quel moment? Ah oui, le Mongol, il sort sa main. Les gars, cette scène, elle est trop bien faite. Tu sais que c'est l'un de mes préférés de Disney, Mulan. J'ai plein de choses à dire sur ce film. Tout est bien mais fait. Il est vachement bien, mais après, c'est quand t'as une deuxième lecture un peu plus vieux que tu comprends des trucs. Plein de choses, mais il y a plein de gens. Enfin, il est vachement bien écrit et en plus, il est super mademoiselle.com. Du coup, il y en a un qui est content parmi nous. Non, c'est vraiment un très très bon Disney, le meilleur. Si vous l'avez pas vu. Non, je vous prends pas pour des cons. Tout le monde l'a vu, Mulan. C'est voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, moi, c'est Bambi qui m'a fait trop peur. Cette scène où tu sais, il y a un mouvement de caméra qui se stoppe vers une lumière qui est en train de se coucher. Et là, tu as une musique absolument abominable. C'est abominable quand tous les chevreuils commencent à partir. Ah, c'est pendant l'incendie. Ah, ouais. C'est la pire scène. C'est une scène... horrible, je sais pas si vous l'avez ressenti comme vous l'avez vu. Non. Moi, c'est pas un Disney qui m'a traumatisé, c'est un autre. Je l'ai plus jamais regardé. Je veux plus le voir, ce film, vraiment. Ah, c'est trop triste. T'as Rox et Rookie aussi qui était. Mais ça, c'est tellement triste. Ils sont tous tristes. Putain, les Disney, en fait, ils le font bien. Hein, ouais. Ils font bien peur, ils font bien une génération de tétochards. Pourtant, c'est ce qui fait un peu le cœur de Disney. Il y a des. C'est un peu à chaque fois des moments traumatisants dans tous les films. Enfin, je prends les vieux films comme La Belle et le Clochard, Les 101 Dalmatiens, La Belle et le... non, c'était pas La Belle et le Clochard. Si, c'est La Belle et le Clochard. Je sais pas la si Belle vous... et la Bête aussi, ça peut faire peur. Ouais. Certains. Bah, carrément, t'as vu cette bête qui... Franchement, non, Disney, ils ont bien géré sur ce coup-là. Bah, il y a toujours une scène dans Disney fort. Où tu flippes, mais où le tout est... Enfin, les humains sont complètement déstructurés, tu perds complètement tes repères. Et par exemple, la transformation dans Blanche-Neige de ça peut être un peu. De la reine, tu vois. Ouais. C'est un peu moyen, quoi. Enfin, il est complètement en train de. Moi, je. Pardon. Ses mains viennent de se creuser et tout. Enfin, Rien n'est caché, quoi. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a toujours cet effet un peu bizarre chez Disney, chez les vieux Disney. C'est les mouvements de caméra qui t'amènent vers un vide et qui se stoppent sur un vide. Je pense à Bambi sur des arbres, il se passe rien. La musique s'est coupée, c'est ouf. Blanche-Neige, ça fait la même chose quand ils font monter la pression. Ils sont très forts et je pense que c'est Disney. Moi, pareil, Blanche-Neige, je sais que j'aimais pas le regarder quand j'étais petit. J'aimais pas le revoir parce que c'est dérangeant. Tu ne veux pas. Après, peut-être qu'on parlera autre chose que des Disney. Ouais, je compte bien. Est-ce que vous avez vu les 4 dinosaures et le cirque magique? Non. La seule scène que. Enfin, j'ai vu juste les 15 premières minutes et la fin. J'ai pas vu le milieu. Je sais pas comment je me suis débrouillée. Tu t'es endormi pendant le film. Mais c'est juste hyper flippant. Déjà, il y a des dinosaures qui vivent dans l'espace, qui descendent sur Terre, qui rencontrent des enfants à New York. Là, il y a un vieux qui leur achète leur âme. Il leur coupe le doigt pour qu'ils signent avec du sang, leur sang. Et les dinosaures, ils deviennent méchants parce qu'ils sont gentils au début. Et là, ils deviennent méchants, ils veulent manger tout le monde et tout. Mais c'est le film fantastique. Et là, vraiment, ça, c'est un dessin animé qui m'a traumatisé. Et j'ai jamais pu le regarder, donc je ne sais pas ce qui se passe au milieu. Je crois profondément que c'était un rêve. Non, ça existe vraiment. Il y a beaucoup trop d'improbabilités pour que ça soit sorti dans l'esprit sain. Et c'est vrai que ça peut bien marcher, mais je trouve que le dessin animé, c'est quand même. Étrange que ça puisse traumatiser un enfant. Parce que c'est pas fait pour ça à la base. C'est pas fait pour ça, mais en même temps, quand tu regardes les vieux dessins animés, enfin les vieux, ceux. D'il y a 10, 20 ans, on va dire 20 ans. Regarde le Roi Lion, quoi. Ah ouais, et le monde d'Arlon, mon gars, j'ai revécu le Roi Lion. C'est affreux, j'ai fait que de pleurer. Tu t'avances sur des territoires non. Ouais, c'est là qu'on va parler. Le Roi Lion, c'est quand même une des franchises Disney qu'il faut pas toucher, quoi. Y a plein de scènes similaires dans le voyage d'Arlo. Genre les mêmes mouvements, les mêmes plans, les mêmes situations. C'est la même boîte. Allez, on crie au plagiat. Plagiat, c'est tout, c'est nul de faire ça. C'est nul. Bonjour, le monde d'Arlo. Le voyage. Je m'en bats les couilles. Je m'en contre. Le monde de Nemo et le voyage d'Arlo. Oui, tu sais quoi, le monde de Nemo, ce requin. Le barracuda. Ouais, oh putain, mais c'est horrible. Il fait. C'est même là, quand j'en reparle, je vois la grosse tête du. Je vois les yeux, tu sais, du requin quand il sent du sang. Ça monte, c'est horrible, tu sais, quand les pupilles deviennent toutes noires et son truc souriant, un peu vicieux, c'est. C'est juste horrible et. Ah, c'est hyper malsain, quoi. Putain, ouais, Disney, en fait, c'est les meilleurs. Hein. Attends, Comment ? C'est pas forcément besoin de ça. Enfin, les Miyazaki, moi, je trouve pas qu'il y ait de scènes vraiment traumatisantes et pourtant, c'est des très bons animés. Ouais. Ouais, quand même. Franchement. Miyazaki, il peut y en avoir. Attends. Le voyage de Chihiro quand il se transforme en cochon. Et là, t'es perdu. T'es perdu en même temps que scène, tu vois. C'est hallucinant. Ou même dans Princesse Mononoke, quand elle est en train d'accompagner l'espèce de sanglier qui est tout en sang, qui est en train de mourir, et qui la chope, et il est avec ses petits yeux aveugles, et qu'elle commence à se transformer, mais là t'es là, non. T'as 14 ans, et tu flippes. Mais tu vois, le sanglier dans Mononoke, là, avec les espèces de trucs, t'arrives même pas à comprendre ce qui se déplace sur son corps, les trucs noirs. Ah ouais, moi je l'ai vu quand j'étais tout petit, et genre après, tu regardes ton bras et tu dis putain, j'étais en train de m'imaginer le truc monter sur mon bras et tout, et j'étais dégoûté de la vie, quoi. Direct. Non mais maintenant j'adore ce film et quand j'étais petit je pouvais pas le revoir parce que j'en faisais des cauchemars de ce genre de plan avec les espèces de vers noirs qui se déplaçaient sur son corps. Le putain de chat Totoro là, le bûcheur, c'est quoi cette bestiole? Mais je l'adore, moi je l'adore. Et je trouve que les films où t'aurais plutôt tendance justement à ce qui te traumatise un peu, ça marche pas forcément. Je crois que le pire du pire, c'est Alice au pays des merveilles. Je l'ai mon traumatisme finalement. Si. Avec le chat à la con là qui disparaît avec son sourire. Ah, je l'adore, je connais la chanson par cœur. Ça te traumatise ça? je trouve ça hyper glauque en fait. C'est Pas traumatisant, mais... Je pense que c'est plus la perte de repères qui te fait flipper. En fait. Mathias, t'es un autiste un peu, en fait. Il faut pas que tu sors de ton monde. C'est super gratuit, là. C'est de l'insulte gratuite, je viens d'halluciner. Et on remercie tous les autistes de France, merci Téléthon, tout ça, bravo hein. Bravo Eve. T'es dans ton petit confort, t'arrives pas à en sortir, sinon t'es traumatisé dès qu'il se passe quelque chose d'un peu bizarre. Mais je me mets à la place de d'autres personnes, excuse-moi de ne pas penser qu'à ma gueule, désolé Eve. Oh, désolé. Moi je pense à un autre traumatisme, c'est bon, je l'ai. C'est les mecs qui sourient trop fort. Ça m'a toujours fait trop peur et je sais d'où ça vient. Dans le cinéma ? C'est William Dafoe. C'est ça date de mon premier film d'horreur que j'ai regardé. Parce qu'on savait que nos parents étaient fans de Hitchcock. Alors moi je sais pas du tout c'était qui. On lui avait offert à ma mère le DVD de Psychose qu'on avait regardé le soir de Noël. Alors cette fois-ci c'était pas Home Alone. C'était pas Maman j'ai raté l'avion, mais c'était Psychose. Alors comme j'étais petit... C'était mon premier film d'horreur parce que ma mère m'avait dit c'est bon, c'est un vieux film, ça ne te fera pas peur. Et là, c'est là où j'ai compris que on s'en foutait de l'âge d'un film, ça peut toujours faire effet. Et en gros, j'ai eu super peur, c'est pas au moment de la douche comme tout le monde. Moi, c'est vraiment cette silhouette de femme qui m'a fait... C'était la première fois que je me cachais les yeux devant un écran. Le squelette. C'était horrible, je me rappelle pas, j'arrive jamais à le revoir jusqu'à la fin, vraiment. Moi, c'était le regard de Norman Bates à la toute fin. Ah ouais. Le regard. Ouais, bah c'est ça, fait, ça que je te parle. Il est ultra. C'est ce sourire. J'ai peur des regards fixes et du coup, j'aime pas. Je pense que ça vient de là, mais j'aime pas regarder les gens dans les yeux à cause de ça. Et du coup, parce que comme là, on parle un peu de phobie du sourire, vous avez d'autres phobies ou pas ? T'as eu du mal à regarder The Mask, Victor, ou pas ? Non, je l'ai vu quand j'étais tout petit et je trouve que c'était pas super. Moi, je trouve ça flippant par contre, ça. Ouais, le mec il se transforme en cartoon. C'est une question qui est tombée à l'eau en 3 secondes. Quoi. C'est génial. T'as fait une Ève. Qu'est-ce que j'ai fait ? Non, c'est Mathias qui a fait une Ève. Ah. Ah, c'est parce qu'on t'écoutait pas tout à l'heure, du coup, c'était pour faire une blague. Putain, c'est gratuit. Quoi. Moi, je vais faire une sommeil, je pense. Parce que... Ok, je vais faire ma gueule. Donc Mathias, tu disais, est-ce que vous avez une phobie, parce qu'on parlait de phobie des sourires. Moi j'ai un truc justement dont je voulais parler, c'est en fait j'ai une phobie comme beaucoup de gens, des eaux profondes. Ouais. Des grandes eaux. Est-ce que c'est le côté bestiole qui peut te choper les pieds? Oui, moi c'est ça. Ouais, puis c'est c'est l'énorme vide qu'il y a sous tes... Te dire qu'il y a des kilomètres De flotte en dessous. De flotte en dessous, que si tu coules, tu coules. T'imaginer te noyer en voyant quitter en quittant la lumière au-dessus, les yeux, la vue qui se brouille. Non, merci. Est-ce que t'as peur du vide spatial du coup aussi? Je sais pas. Comme tu peux pas t'envoler, ça va. Ouais, voilà. J'ai pas peur en avion. Je sais pas, j'ai jamais pris l'avion. Mais moi, le vide spatial, c'est un truc qui me fait peur. Et genre, dans 2001 et tout, quand ils débranchent... Le fait que l'espace Mais ça, je trouve ça traumatisant. Ouais, si, ouais. Les gens qui meurent dans l'espace débranché, moi, ça me fait peur. Je suis d'accord. Genre dans Gravity, qui n'a rien d'intéressant, si ce n'est ce George Clooney qui s'éloigne loin, ça me fait le même effet que de regarder un truc où, genre, le Grand Bleu, quoi. Mais en fait, j'ai réfléchi à qu'est-ce qui avait fait que j'avais peur de ce... Qu'est-ce qui a fait, dans mes souvenirs, dans ce que j'ai vu, ce que j'ai pu entendre, qu'est-ce qui a fait que j'avais cette peur-là ? Et parce que c'est mieux de parler de peur que de phobie, parce que phobie, c'est vraiment profond comme terme. Et je ne sais pas si vous connaissez, mais... Stand-up. Non, je ne sais pas si vous avez remarqué. Là, c'est je ne sais pas si vous connaissez. Je ne sais pas si vous connaissez le film d'animation qui s'appelle Gloops. Je suis un petit poisson. Oui, tu m'en as déjà parlé et je suis totalement d'accord avec toi. Je vois sans voir la jaquette du film. Ouais. C'est un film. On s'en souvient. Hein. Danois. Je dirais que c'est danois ou finlandais ou en tout cas un pays nordique ou d'Europe de l'Est. Ou américain, je pense. Moi, mais... Non, c'est pas américain. C'est par là. C'est pas américain. Si tu veux chercher Gloops, je suis un petit peu. Est-ce que je vais chercher. Ouais, voilà. Merci. Et il y a d'ailleurs, pour la version anglaise, c'est l'acteur qui joue Jesse Pinkman qui double le garçon. Et j'ai oublié son nom. Mais Aaron Paul. Aaron Paul, voilà. Et c'est quoi l'histoire, du coup? Et du coup, en fait, c'est un ado qui doit avoir 12, 13 ans ou 15 ans, un truc comme ça. Le mec un peu cool, surfeur, le gars qui fait du skate et tout. Et qui est branché. Qui est branché skate. sa petite sœur. Une petite bouille toute mignonne de 4-5 ans. Voilà, toute guirette. Et le cousin, c'est un gros binoclard qui est à fond sur l'informatique, les ordinateurs, tout ça, tout ça. Enfin, les ordinateurs, c'était. Un bon film rempli de clichés. Ouais, voilà. Et les ordinateurs, c'était encore les trucs verts sur fond noir. Et voilà. Et t'as trouvé la nationalité? Ouais, germano-irlando-danois. Ah, j'avais danois. Alors, je répète, germano-irlando-danois. Irlando, ça n'a rien à voir avec le frère de Dalida. Et c'est est-ce que c'est germano-irlando-bloom danois? Non, Mathias, non. Mathias. Ta gueule. Ouais, j'ai au moins eu un rire dans sur le truc. Ouais, mais c'est F, ça compte pas. Oh, il y a eu Jacques aussi. Ni Nev, ni la Dev. Tu l'as déjà faite en plus, celle-là, Victor, oui, je crois. Il l'a fait toujours les mêmes. J'avais oublié de rigoler la première fois. Et du coup, ces trois petits garçons, ces trois enfants, ces trois jeunes, sont. Leurs parents s'en vont. Je ne sais pas où, je ne sais plus où. Ils ne sont pas là et ils sont gardés par leur tante, qui est donc la mère du cousin binoclard. Et à un moment, la mère s'endort et ils en profitent pour s'évader, pour aller au bord de la mer, jouer avec des cerfs-volants, etc. Et au fond d'une crique, ils découvrent un bateau transformé en laboratoire scientifique avec un gars qui est un vieux, genre un savant fou, doc, enfin le scientifique un peu fou de base, donc bien cliché. Et qui fait des expériences sur les poissons. Et il a expérimenté une potion qui permet aux poissons de devenir humains et aux humains de devenir poissons. Et oui, il est fou. Oui, il est fou. Et c'est Merlin, en fait. Oh ouais, j'avais oublié ce passage. Et ils vont pêcher tous les quatre, donc avec le scientifique. Le problème, c'est qu'ils sont pris dans une tempête. Et du coup, pour pas mourir noyés, et là, on les voit tomber dans le grand vide, et pour pas mourir noyés, ils sont contraints d'avaler la potion pour se transformer en poisson. Et ensuite, c'est toute leur vie en poisson. Et le pire, c'est que ça attaque des thèmes forts, puisque ça vient caricaturer le nazisme et la montée d'Adolf Hitler. Et en même temps, le stalinisme. Voilà. Tout ça dans un film. La vache. De poissons germano-irlando-danois. Et du coup, tu m'as complètement niqué dans mon élan. Mais c'est très bien. J'avais besoin. D'autres traumatismes par-ci par-là? Non. Non. Moi, alors, je me rappelle d'un film. Je suis désolée. Je te coupe pour une petite transition. J'ai la phobie des coupe-ongles. Ah, tu t'entendrais tellement pas avec Simon. Et voilà. Parce qu'il adore ça, il en a toujours un sur lui. J'ai horreur des coupe-ongles. J'ai vraiment envie de me suicider quand j'en vois un. Avec un coupe-ongle. Je rigole pas. C'est ce bruit insupportable et le fait qu'on te coupe quelque chose. Ah ouais. Voilà, ça me tue. J'avais peur qu'on me coupe les doigts ou les pieds. Et du coup, je vais revenir sur le truc. Je suis désolé, Victor, mais se couper les cheveux, c'est... Mais se couper ses cheveux, ça va, parce que c'est ma petite sœur qui l'a fait. D'accord. Du coup, voilà. Se faire circoncire, étant donné que je l'ai fait il y a un an, ça va. Mais disons que c'est les trois semaines d'après que ça va pas très bien. Voilà. Comme ça, vous savez mon histoire de circoncision. Voilà. Circoncision. Super. Très bien. Du coup, comment on rebondit là-dessus? Bah écoute... Bah, je sais plus ce que tu allais dire. Eve. Ah oui, oui, pardon. Oui, un film qui. Ah oui, un film qui m'a. C'est pas un film connu. Je sais pas si vous le connaissez. C'est un hyper vieux film des vieilles des années 80, limite 80. Non, 90, limite 80. Qui s'appelle Dark Crystal. Oh, ça. Et c'est juste. Ah, c'est pas avec Willow. Où il y a des nains et tout. Et il y a. Il faut qu'il aille chercher un putain de cristal parce que sinon le monde il va se détruire. Ouais, voilà. Sauf que c'est des espèces de marionnettes qui font hyper peur. Et à un moment, il monte sur un espèce de lapin échassier. Mais le truc, il est censé être gentil, sauf que c'est une créature sortie de l'enfer. Mais direct, il a des grandes pattes, puis ils ont une tête de mort à la place de la tête, et puis ils sont trois comme ça, puis ils galopent. Puis là, il y a les méchants qui arrivent, et ils les jettent dans le ravin, puis ça crie comme ça. Tu sais pas qui est méchant ou qui est gentil parce qu'ils sont tous laids, ils font tous peur. Même le héros, t'as pas envie d'aller le voir. Quoi. C'est vrai que tout le monde fait peur dans ce. Et genre, à un moment, ils installent des petits personnages, ils les attachent comme ça sur des sièges, on dirait des chaises électriques, et ils fixent un gros cristal, puis ça leur suce la vie, puis tu les vois qu'ils décomposent, qu'ils s'effritent là. T'es là. C'est vrai que t'as des gros trucs qui. Ah, c'est affreux! Ce film est affreux! Ne le regardez jamais! C'est vrai qu'il est affreux, et pour donner quelques repères pour ceux qui étaient là, ou si vous vous souvenez de Star Wars Holiday Specials, et ben si vous voyez les costumes de Chewbacca, enfin des Wookiees au début, ben c'est pire. Voilà, la qualité des costumes étant pire. Ça me rappelle l'histoire sans fin. Ah oui, ah, ça aussi j'ai eu peur. Mais ça, c'est pas pareil. La mort du cheval. J'ai oublié son nom. La mort du cheval. Crin blanc. Crin blanc, t'es sûr ? Non, je dis ça parce que c'est le seul cheval que je connais. Ah oui, cinéma. D'accord. Non, c'est pas du film. Tout ça. Bah, dans Crin blanc. Ouais. Okay. On ne peut confondre avec Cro blanc. Non. C'est son grand pote, d'ailleurs. Crin blanc et Cro blanc. Ils sont dans un bateau. Si, il y a l'espèce de dragon chien là, qui ressemble à un gros. Je sais pas. Falcor, oui. Mais la seule fois où j'ai vu ce film, enfin où j'ai vu un extrait de ce film et où c'était tombé sur ce personnage-là, j'étais à l'hôpital. Et j'avais juste envie de partir parce que je n'avais pas envie de rester. Et je pleurais et ils m'ont allumé la télé, c'est tombé là-dessus et je l'ai éteint. Et du coup, j'ai toujours eu peur de ce truc-là et j'ai jamais pu regarder non plus l'histoire sans fin. Est-ce que c'est là où il y a un mec dans un costume, genre il n'y a que sa tête ? Je sais pas. Non, c'est Tron. Ouais. Ah, c'est chauffant avec Tron. Ah oui, ça c'est. Mais c'est Il y a Willow aussi qui est stressant. Ouais, Willow. Il y a des moments, des passages avec les sangliers et tout. Ouais, ah ouais, les espèces de trucs au début là. Et puis les monstres, ils sont un peu dégueulasses aussi à la fin. Comme quoi, on avait des trucs. Le truc à deux têtes là. Ouais, c'est un peu. Ah non, moi je le trouve drôle. Ouais, parce qu'il est vraiment, il est vraiment moche et mal fait quoi. Ouais, du coup, t'as pas peur. Non, mais le. Quand il se transforme, tu sais, c'est un truc, une bouillie dégueulasse. Ouais. Ah oui, oui, qui pousse là. Ouais. C'est un peu moche, un peu immonde ça. Mais enfin bon, on dirait un truc en pâte à modeler, tu sais. C'est assez drôle. Moi, je trouve ça moins pire que les trucs du début là, qui bouffent la vieille et. Ah, je sais plus. Qui tue tout le monde. Oh, il y a un film là avec. J'ai oublié le titre, j'espère que vous allez me le rappeler. C'est avec des souris et des rats. Et genre, c'est des rats qui contrôlent une. Ratatouille ? Non. C'est en 2D, en dessin. C'est des rats qui sont échappés d'un laboratoire. Et du coup, ils sont hyper intelligents. Et il y a un hibou qui fait grave flipper dans un sapin. Je sais pas, vous voyez pas du tout ? Ouais, pas du tout. Putain, faut que je trouve ce film. Bon, je vais chercher pendant le reste de l'heure. Ça va être super. Et c'est hyper flippant comme film. Et ils ont pris des câbles électriques de la maison pour construire une colonie de rats dans le sous-sol. Et c'est horrible parce que tout est glauque. Tous les plans sont. Tout est sombre et t'as ce putain de hibou qui fait flipper. Mais il est horrible ce hibou parce que t'es une petite souris toute mignonne. En fait, tu suis l'histoire d'une souris toute mignonne et c'est horrible parce que t'as le hibou. Déjà, sa première apparition, t'as genre des cadavres de souris et il arrive, il se pose sur une branche en écrasant un crâne, tu vois. Et toi, tu dis ok. Et déjà, c'est un hibou tout pourri parce qu'il perd trois plumes et tout, il tousse, c'est dégueulasse. Il aime pas le hibou. Hein, il l'aime pas. Hein. Il y a vraiment une haine envers le hibou. Là. Il est clairement, horrible. Faites une team hibou si vous voulez, je m'en branle, mais lui, il est horrible. Quoi. Mais j'ai cherché ce film parce que ça me tracasse de ne pas le trouver. Voilà. Il y a La Ferme des Animaux aussi, l'adaptation qui est assez affreuse. Où... Ouais. bien flippant. Ouais. Déjà, de toute façon, le texte de base. Ouais, mais là, de le voir à l'image bien animé. Et mon petit frère était fan de ce film. Mais il l'a regardé, mais sans fin. Quand c'est vrai, mais c'est même pas pour les enfants. C'est... Bah ouais, mais lui, il adorait. C'est grave. Moi, j'ai repensé à un film qui m'a bien fait flipper. Quand je l'ai regardé la première fois, j'étais tout jeune et tout. C'est Sa Majesté des Mouches. Non. Quelqu'un voit ? Je l'ai pas encore vu. Il m'a aussi, pas du tout. Il m'a aussi assez marqué. Ouais. C'est l'histoire de... En fait, c'est pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques envoient leurs enfants vers un endroit où ils seront plus sûrs. Sauf que je crois que c'est pas si c'est le bateau ou l'avion, je crois que c'est le bateau qui devait les transporter à un accident, ce qui fait que les enfants survivants échouent sur une île. Bon, jusque-là, c'est l'intrigue de base de Lost. Mais est-ce qu'il y a des bunkers et tout? Est-ce qu'il y a et un cheval? En fait, il y a deux écoles. Pardon. Je t'interromps, j'ai trouvé le titre du film. C'est Brisby et le secret de Nîmes. Ouh, ça me dit quelque chose. C'est un film de 82. Et si vous voulez voir des images, alors il faut que mon portable il charge, il est un peu lent. Le hibou. Non, ce sont le hibou. Pas. Et. Putain. Ouais, non. C'est ça. Ah ouais, je vois. Et je vois. En fait, je l'ai sur mon ordi, mais je l'ai pas encore vu. Ouais, bah répète le titre. Ouais, Brisby et le secret de Nîmes. Je crois que c'est le. Si, c'est l'histoire de petite souris. Une souris qui va à New York. Non, ça c'est Stuart Little. Non, mais c'est une petite souris qui est sur un bateau d'immigrés ou je sais pas quoi, non. Les graphismes, on dirait un peu le truc de Sherlock Holmes, mais version Disney. Basile détective. Ouais, Frigue. C'est ça. Je crois que c'est le réal qui avait fait Anastasia. Ah, c'est possible. Ah. Bien flippant aussi. Ah ouais. Rasputin. Ah ouais, quand il s'arrache la tête, là, et qu'il se la rentre dans le corps. c'est affreux. Et du coup, je continue pour Sa Majesté des Mouches. Oui. C'est qu'il y a deux écoles, et c'est un abus de langage de dire ça, mais il y a les enfants qui viennent d'une école publique et les enfants qui viennent d'une école privée qui se retrouvent sur cette île. Et tout de suite, ça va faire deux choses parce que chacun a été conditionné dans un environnement différent. Ceux qui sont dans une école privée ont été habitués à tout un système de règles et de hiérarchie, alors que les enfants d'établissements publics sont livrés à eux-mêmes. Et du coup, sur l'île, les gars de l'école privée vont tout de suite essayer d'établir une hiérarchie, une religion, tout des codes, des habitudes, des rituels, etc. Alors que des croyances, alors que ceux de l'école publique vont s'entraider et commencer à essayer de créer la société idéale, comme tous les bons livres nous la décrivent. Et évidemment, il y a conflit et ça finit pas forcément bien. Et c'est une étude sociologique poussive. C'est un roman à la base, je crois. Vous voyez Koh-Lanta ? Ouais. Imaginez Koh-Lanta sans le CSA. Ah. Sans le CSA, sans Denis Brogniart, sans personne pour réguler. Avec des enfants. Juste des caméras cachées sur une île avec des enfants laissés. Hunger Games. C'est Hunger Games qui rejoint Koh-Lanta avec un peu de Lost. Je vois pas comment vous mettre encore plus l'eau à bouche. Et en même temps, tu dis ceux qui viennent du truc privé, un cadre très strict, mais aussi en même temps mêler un retour à la bestialité. Ouais. Parce que la première chose qu'ils font, c'est on va chasser, tu vois. Et du coup, il y a tout de suite la violence et. Et bref, ouais, vraiment intéressant. Donc, très bien, là il nous reste un quart d'heure à meubler et après on peut passer à la matinale parce qu'il sera 6h. Voilà, d'après le programme que j'ai établi. Bah moi mon traumatisme. Une super matinale, bien motivé, on est tous motivés. En plus là, on va essayer de trouver des stages à 6h du matin. On va faire plein de choses, ça va être génial, on va manger des croissants que Dev nous a apportés. Dev, c'est Dev. Et plein de choses. C'est la matinale, on se réveille. Serais-tu un peu fatigué? Alors pour l'instant, on va encore avoir. Léa était en train de dormir sur la table. Alors quoi. Pour l'instant, on va finir cette nuit. Jusqu'à 6 heures, vous avez le droit d'être tout mou. Et après, ça va être le feu. Tu vas pouvoir mettre ta musique de l'Amérique. Yes! Je vais chercher Raphaël. Va chercher Raph, va réveiller ouais. Tout le va monde. Va réveiller les autres. Là. Ouais. Fais-leur bouger leur gros cul. De façon totalement gratuite. Et rédhibitoire. Voilà. J'ai envie de dire ce mot. Le film que je cherche, j'arrive pas à trouver le nom. C'est de Palma. Et c'est avec que le gars avec De Palma la musique, en verlan, ça fait Palmade. ça me fait rire. Je vous propose un truc. Ouais. C'est que les 15 minutes qui restent, on fasse un petit jeu. Ah ouais. Vraiment chill. je vais me mettre dans l'autre micro. Tu te mets dans l'autre dans micro, bah vas-y. Hein, écoute, bon courage. Non. Mais par contre, je vais prendre ton casque. Il n'y a pas un autre casque, personne. La porte de chez Mathias ouais. Non, elle n'est pas fermée. Pourquoi tu prends pas le casque qui est là? Bah, je sais pas, en fait, il y a un bordel là-bas. Là. En face, ces mecs, ils veulent des casques, ils savent pas lesquels prendre. Ils ont trois micros, ils sont deux, ils sont perdus, ça y est. Bah, c'est bien, ouais, il est bien. Il fait mal. Hein. C'est d'un moment. Vous m'entendez bien là? Ouais, on t'entend, t'inquiète. Oui. Il y a l'empereur qui vient de se réveiller. C'est alors, j'ai un petit jeu à vous proposer. Alors, avec les savoureux, on a une émission sur PodCloud qui s'appelle Le Pavé. Et le pavé, pourquoi? Non, parce que on reprend l'expression le pavé dans la mare. Donc tout le monde sait ce que ça veut dire, un pavé dans la mare, c'est lancer un sujet choc, etc. Comme dire. Attends, j'en ai une pour toi. Est-ce que One Direction serait pas les nouveaux Beatles? Voilà, typique. Typique, un pavé, une phrase qui coupe le souffle, qui coupe le sifflet. Tout ça. Et pourquoi on a appelé ça le pavé aussi? Parce que le pavé, c'est un jeu qu'on a inventé où, en fait, vous connaissez le principe du name dropping. Le name dropping, c'est balancer des noms comme ça qui, justement, ça. Vont provoquer quelque chose. Et genre Bertrand Cantat? Voilà, exactement. Oh, arrête! Non, et c'est pas relier les mots, c'est on va essayer de surenchérir sur un thème précis. D'accord, c'est très difficile parce que le temps qu'on arrive à expliquer les règles tranquillement, on bah c'est bon, ouais. Aura fini. Ah oui, bon, ok. Elles sont expliquées les règles là. Très donc bien. Il faut balancer des noms. Est-ce qu'on peut fermer le studio s'il vous plaît? On va. Il faut balancer des noms de gens et renchérir. Sur un thème précis. Ok. Et là, c'est. Les personnalités has-been. Waouh. Personnalité has-been. Genre Loan. L'âme. Waouh. Thierry Beccaro. Oh ouais, Thierry Beccaro. L'animateur de Motus. Tex. Tex, bien joué. Il y en a deux là. Ils sont un peu perdus. Ouais. C'est la première année. Une personnalité has-been, les gars, qui a fait votre jeunesse mais qui n'existe plus, genre Laurie. Clo-Clo. Non, il est mort. Il est mort. Il est mort, il est pas has-been. Et alors Framboisier. Genre, tous les noms que vous avez dit là, je vois pas c'est qui Framboisier. Il faisait partie des musclés. Je sais plus s'il est mort. J'espère pas. Ça me dit quelque chose. Il répond pas quand on l'appelle Raph. Quelqu'un d'has-been? Oui. Ouais. Les chanteurs dans Roméo et Juliette. Mais faut dire les noms. Bah, je m'en rappelle plus. On veut des noms. On veut des noms. Elle s'appelait comment? Jordi, un classique. C'est qui Jordi? Stevie Boulet. Polnareff. Michel Polnareff, ouais. Qui sort juste pour les Restos du Cœur. Régine. Anémone. Oh ouais, Anémone. Oh. C'est les personnalités has-been. Anémone. Thierry l'ermite. Non, on le ressort pour. Si, ouais, remarque. Arthur. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Monnier. Ah ouais, ouais, grave. Ah ouais, merde, il vient quoi lui d'ailleurs ? Encore malade. Ah non, non, il a refait des concerts à Paris. Ouais, là. Il est encore parti. Sheriff Aluna. Ah, Ilona Mitressi. Qui ça ? Ilona Mitressi. Un enfant. Ah merde. Une chèvre. Nolwenn Leroy. Oh non, ça va. Ouais, quoi, ça va. C'est juste parce qu'elle a chanté pour. MC Solar. Tâtes, ah ouais, MC Solar. Désolé, j'ai pas mieux. Jean-Marc Morandini. Garou. Cantelou. Cantelou. Cantelou, grave. Laurent Gérard. Ah ouais. Bernadette Chirac. Non, parce qu'on la ressort pour les pièces jaunes. Ouais, elle est toujours hype, comme Chirac. Les deux, ils sont hyper hype, tout le temps. Chirac, désolé. C'est Depardieu. Ah ouais, Sarkozy. Ouais. Non, Depardieu, malheureusement, non. On a dit... Bon, Jean Mathias, il has been. Ouais, ça y est, ça commence. Oh. Ce jeu il est bien quand c'est dynamique, mais là on est tous, on est tous mou. Non, mais has been, c'est dur. Après, t'en as fait vite le tour. Hein. Bah, non, il y en a plein. C'est là, on n'a pas d'imagination. C'est que tu les as déjà oubliés, c'est tout. Mm-hmm. Genre Brigitte Fontaine. Oh. Bah, non, elle est cool, Brigitte Fontaine. Bah, Sylvie Vartan, ouais. Elle fait quoi, Brigitte Fontaine, maintenant ? Isabelle Mergaux. Je sais pas qui c'est. Isabelle Boulay, par contre. Ouais. Bruno Salomon. Ah ouais, ça me dit quelque chose, ça, c'était quoi ? Il était dans, c'est un comique. S'il faut expliquer en plus. C'est un comique et il a joué dans Fais pas ci, fais pas ça. Voilà. Non, je m'en rappelle pas. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il a se bille. Non. Gad Elmaleh ? Ouais. Ouais, carrément. Il a un frère ? Eric et Ramsey. Oh ouais, putain. Ils vont ouais. faire un 2 là pour la tour infernale. La tour de contrôle infernale. Franck Dubosc, il est revenu. La tour Montparnasse infernale, les gars. La pas tour de contrôle infernale, c'est le deuxième opus qui va sortir. Ah, pardon. On a hâte. Est-ce que Clara est ici encore ou pas ? Je sais pas. Clara je est crois ici. Pas, hein. Elise Moon. Bah, je croyais qu'elle dormait. Elise Moon, ouais. Eli Kaku. Ah non, elle est morte. Non, j'appelle Lina, elle est ici encore. Bah, Zidane. Lina, elle est là ? Zidane, ouais. Je la recherche. Voilà. Sinon, on a un live aussi. Ouais. On est en train de gérer le live en direct, ça pose un problème ou pas ? Ah oui, c'est vrai qu'on fait le live. On parle tranquille. Tranquille. Ouais, je vais prendre. C'est ça la magie du live, c'est que tu peux oublier qu'il y a des micros. Est-ce que tu clairement, avoir, depuis 2 heures au moins. Faut qu'elle ouvre la porte. Voilà, est-ce que tu peux ouvrir la porte ? Je suis coincé, j'ai plus d'idée de personnalité. Rémi Gaillard, il revient moyen. C'est un peu bof ce qu'il fait. Là, enfin. Oh merde, Michael Youn. Lui aussi, il a voulu faire son comeback et ça a pas trop marché. Et puis ça, ça marche. J'ai bien envie de dire Diams, mais c'est prévisible. Ouais, trop prévisible. Ouais, l'âme, c'était mieux. Attends, Amel Bent. J'en ai un, mais j'arrive pas à faire Shimon Badi. Anastasia. C'est qui ? C'était une chanteuse qui a fait genre un gros tube à un moment, mais elle était américaine, Benny je crois. Benny B. Priscilla. Bah, Britney Spears. Ouais, mais là, c'est américain, c'est moins drôle. Benny B, il est encore vivant. C'est qui ? Ouais, ouais, il est devenu il a mec qui range les valises dans les avions. Et il a fait la marque Bonobo. On est fatigués. Mimi Mati. Ah ouais, ah ouais, ouais, bah ouais. Ouais, carrément. Ah, c'est bon, j'ai compris le jeu. David Douillet. Oh, ouais. Oh, il fait mal. Oh, il fait mal. Putain. J'ai dit quoi, moi, tout à l'heure ? Zidane, ouais, c'est ça. Shirley Dino. Oh, ouais. Oh, ouais, oh, ouais, Shirley Dino. Oh, bah, oui. Mais moi, je les aime bien dans Le Soldat Rose. Ouais, oh bah il chante faux quoi. Oh, Le Soldat Rose à lui tout seul quoi. Oh non. Mathieu Chédid. Tu peux pas dire ça, c'est trop bien Le Soldat Rose. Oh, c'est intemporel. Vincent Lagaffe. Oh, oh ouais. Oui. Bill du Big Jill, mais c'est une fausse personne, du coup ça compte pas. Renaud. Oh, c'est il va faire un comeback. Ça, c'est méchant. Triste. C'est vrai. Bah c'est ouais, vrai, il va sortir un album bientôt. Ouais, ouais, mais ah ça ouais. me rend triste. Moi, dès qu'on parle de Renaud, ça me met les larmes aux yeux. En plus, on est né le même jour. Enfin, pas la même année. Mais... C'est vrai. C'est pas la même cuvée, dirons. Que toi, pas la même cuvée, dirons les haineux. Par rapport au fait qu'il est alcoolique. Ouais, ouais. On a compris. Ouais, merci. Bonjour Renaud, je vous aime beaucoup. T'imagines, il nous écoute là en ce moment. Ça fait partie de nos deux auditeurs. Je sais pas combien il y a d'auditeurs. Moi, je pense. Allez, on mise le nombre d'auditeurs ou pas? Mais non, mais deux, c'est trois. Il y en a deux. En fait, c'est cet ordinateur-là. Est-ce qu'on peut regarder le nombre d'auditeurs ou pas? Il y en a deux, je viens de te dire. Mais non, est-ce que. Mais je te le dis, il y en a deux. Bah, regarde. Mais je regarde, c'est écrit là. C'est écrit où? Sur la fenêtre du live. Ah, mais c'est bien, on est que entre nous, du coup. Ouais. On peut dire n'importe quoi. Comme si c'était pas le joli cas. Raph qui émerge. Bah Raph, ouais. Raph un peu has-been, ouais. Et c'est un comeback là, mais. Ah ben là, on est en train de grenouiller. On est en train de faire un pavé sur les personnalités has-been. Ouais. Raph, t'en as un. Pas au saut du lit, hein. Faut toujours faire du bruit parce que sinon les gens croient qu'on a bugué. Un vieil animateur ou un truc comme ça. Ouais. Laurent Romeshko. Oui. C'est qui? J'allais le dire. Mais... Arrête, Eve. Arrête. Mais non, Laurent, je te jure, c'est qui Laurent machin? Oh, Laurent Delahousse. Il fait plus rien, lui. Non, attends, il reste 5 minutes. Attends, personne veut m'expliquer qui c'était. Non. Non, t'as qu'à chercher. Bernard de la Villardière. Mais j'ai déjà oublié son nom. J'en avais un, mais tu le mec coupé. Il fait mais PDA. Oui, bah, oui, il ah ouais. Temps, Yves Lecoq. Et celui qui présentait Turbo sur M6. Dominique Chapat. Stéphane Pazza. Coé. Eric Cantona. Coé fait encore de la radio. Malheureusement. Mais vous regardez trop la télé. Moi, je regardais pas la télé. Comment vous voulez que je sache? Bah, ça va, tu lis tes magazines, télé mal loisir, là, c'est méchant. Le truc, un programme télé à la con, voilà, c'est tout. Raph, il a dit. Toi, t'insultes tout le monde de façon totalement gratuite. Ah non, mais Raph, c'est un connard. Ah, attendez, il y avait une chanson que c'était le nom du chanteur, c'était Bébé Machin ou un Bébé Truc. Bébé Charlie. Oui. Bébé Charlie ou Bébé Lily? Les deux. Lily. Parce que je fais un combo. Dur d'être un bébé. Non, ça c'est Jordi. Enfin bref, eux ils sont has-been. Clairement. C'est bien, j'espère qu'ils nous écoutent tous. Norman, non, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça, il fait des spectacles et tout. Non, mais c'est pour ça qu'il est has-been. Mais il est pas has-been. Il est has-been quand on n'entend plus parler. Et qu'il reste plus que les Restos du Cœur pour faire quelque chose, tu vois. Jean-Ben Guigui. Jamais on critique Jean-Ben Guigui. Par ma présence. Eve, tu ne sais pas qui est Jean-Ben Guigui? Bah non, mais du coup je me suis tue parce que je sais que j'allais encore prendre une réflexion. Oui. Jean-Marie Bigard. Ouais, Bigard, carrément. Sauf qu'il a une tournée en ce moment. Ah oh, merde. Ouais. Bah, je vois rien, ouais, s'il a une tournée. Il y a des gens qui sont morts qui sont moins has-been que vous. Mais Victor, tu sais qu'on t'entend pas quand tu dis ça. Whoopi Goldberg. Et que je pense que Elliot, il a deux micros et qu'il pourrait t'en laisser ouais, un. Quoi. Posé, là. Ouais. Non, moi j'ai besoin de deux micros. Tout le temps, la stéréo. Tu fais du binaural. Tu veux un micro? Je veux un micro. Oh, mais tous les vieux footballeurs, comment il s'appelait le chauve? Barthez. Ouais, Fabien. Ah, Bernard Laporte. Oh il était beau celui-là. Oh. C'est parce que t'as entendu la porte que t'as dit ça. Peut-être. Patrick Sébastien. Oh! Midi les Zouzous. Oh. C'est pas une personne. Dorothée, est-ce qu'on peut dire le présentateur de sa cartoon? Sachant que. Je vous laisse. Antoine Decaune. Non, celui d'avant. Claire Chazal. Ah, Putain, celui qui faisait les meubles là. Non! C'est celui qui était. Qui était... Non, celui. Mais non, ouais, putain, mais celui qui était propriétaire du PSG. Hein? Comment est-ce qu'il s'appelait? Putain! Nagui. Non, le mec qui était. Ouais, mais il est quand même. Aspect. Le mec du Grand Journal, putain de bordel de merde. Ouais, Il a un nom à la con en plus. Michel Denisot. Oui, yes, Michel Denisot. On est bon. Bon, les gars, je vous propose de vous casser. Oh. Et on va faire un petit déjeuner à deux pendant que vous allez vous reposer. On est d'accord? Allez, c'est parti.